étrangers nous le sommes dans cette vie, des serviteurs d'un maître devant Allah on s'incline. Nous avons choisi l'islam comme religion, on vit et on meurt pour Seigneur Tout-Puissant. Notre choix et notre devise est « Il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad et son messager ». Nous sommes tous des soldats d'Allah, on est là pour l'adorer. Notre force et notre puissance est l'union de la communauté. Ne vous inquiétez pas pour nous, notre place est dans l'au-delà. Votre paradis est dans ce bas monde, le nôtre est loin de là. Notre guide et notre vie se trouvent dans le livre d'Allah. Il est notre lumière, notre chemin, dedans se trouvent nos espoirs. Étranger, je le suis car je n'ai pas les mêmes croyances que vous. Je crois à un Dieu unique, une vie après la mort, tandis que vous. Votre croyance à une vie unique vous rend aveugle sans aucun doute. On suit un chemin droit, on ne risque pas d'être égaré. Notre boussole est la sunna, l'au-delà est notre arrêt. Nous sommes les soldats d'Allah pour toujours. On ne recule pas en arrière car notre vie est très courte. Subhanahu wa ta'ala that he make you an eye of the strangers. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that he give our sons and daughters love for the strangers. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that our sons and daughters who have taken off their clothes and out in the jahiliya world, who are selling drugs, who are in the clubs, who have went astray, we ask Allah they will come back to become strangers.